L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. Vous entendrez aujourd'hui La Commère, comédie en un acte de Marivaux, jouée par les comédiens français dans la distribution suivante. Alain Pralon, La Vallée. Jean-Paul Moulineau, Monsieur Rémy, Marchand. Jean-Paul Roussillon, Monsieur Thibault, notaire. Simon Haine, second notaire. Michel Aumont, le neveu de Mademoiselle Habert. Françoise Seigné, Madame Alain. Louise Comte, Mademoiselle Habert. Agathe Natanson, Agathe, fille de Madame Alain. Françoise Canel, Javotte, servante de Madame Alain. Mise en scène de Michel Duchaussois. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Michel Duchaussois, Béatrix Dussane, Alain Boulitreau, professeur de lettres au lycée Louis-le-Grand, et Dominique Dumand, François Martineau, élève de première au lycée Louis-le-Grand. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Depuis quelques années, on pouvait estimer que les spectateurs et la critique avaient fait le tour de l'œuvre de Marivaux, surtout de son œuvre théâtrale. Mais voilà que la découverte dans les réserves de la Comédie française d'une pièce non jouée et destinée aux Italiens repose en fait le problème. Car La Commère, cette comédie nouvelle, n'a que de lointain rapport avec les grandes comédies de Marivaux et, en réalité, elle n'est que le développement scénique d'un chapitre du Paysan parvenu. Le Paysan parvenu est une des créations romanesques les plus caractéristiques du XVIIIe siècle. Et dans l'œuvre de Marivaux, elle correspond, 1735-1736, aux Fausses Confidences, sa dernière grande comédie. Après ces deux chefs-d'œuvre, Marivaux n'écrira plus que des pièces en un acte, et, s'éloignant du théâtre, il produira des réflexions philosophiques plus proches de Fontenelle et de Crébillon-Fils que de la philosophie militante de l'époque. Sans insister sur La Commère que vous allez entendre, il est utile de placer son héros Jacob, dit de la Vallée, dans le roman de Marivaux. Jovial, intelligent, Jacob est un jeune garçon de Champagne qui sait parler haut et franc et qui ne se trouble pas devant les femmes. Sa taille avantageuse et son joli visage lui valent d'ailleurs tous les compliments. Il est venu à Paris pour livrer du vin au propriétaire de la terre que son père cultive. La patronne est touchée des mines et des manières de Jacob et l'engage comme domestique. La patronne, les soubrettes, les femmes, toutes les femmes sont vaguement amoureuses de ce garçon sans façon, libre de parole et confiante en son destin. Sans que la comparaison soit entièrement valable, on pense à Julien Sorel. Mais Julien est sombre et l'étoile noire des romantismes guide son aventure. Tandis que Jacob ne cultive aucune hypocrisie sociale, ne pense à aucune lutte de classe. Jacob manque même de scrupules. Une servante s'éprend de lui, elle est déjà la maîtresse du seigneur du lieu. Elle achète en réalité Jacob par des cadeaux en argent. Qu'à cela ne tienne, cet argent peu chrétien, comme il dit, Dieu le lui pardonne, car il en fait bon usage. Je m'en servis pour apprendre l'écriture et l'arithmétique, avec quoi, en partie, je suis parvenu dans la suite. Et puis, comme dans un Gil Blas parisien, voilà Jacob sur le pavé, après la ruine de la maison. Il traîne dans les rues de Paris. Et un beau jour, il vient au secours d'une vieille fille, Mademoiselle Habert, qui se trouve mal près du Pont-Neuf. Il l'accompagne chez elle. Il faut lire par le détail tout ce qui se passe alors. Jacob est pris en charge comme valet dans cette maison où vivent deux sœurs, dévotes, très à leur aise. Bonne maison, bonne pitance. Mais l'abbé Doussin, directeur de conscience des deux vieilles filles, trouble la fête. Et c'est une cascade de petits traits, de conversations réalistes et sociales, tant et si bien que Jacob, devenu monsieur de la Vallée, s'installe avec la plus jeune mademoiselle Habert dans un autre logis. Ils finissent par s'épouser après des contretemps juridiques et religieux qui nous paraissent à nous très savoureux, mais qui donnent de la structure sociale au XVIIIe siècle une image bien intéressante. Puis Jacob, marié, à la suite d'aventures picaresques, incarcération, jugement, duel, est introduit dans le monde par un jeune noble qu'il a sauvé de la mort. Les aventures gaillardes de Jacob ne nous sont pas cachées. son goût pour les rendez-vous galants, pour les petits présents bien trébuchants qui lui sont toujours agréables, pour les amoureuses agaceries et l'art charmant d'être impur, ne lui tourne pas la tête, car l'âme, dit-il, se raffine à mesure qu'elle se gâte. Il garde cependant pour sa femme des sentiments profonds. Il semble bien que les difficultés sociales et le besoin d'arriver dans un monde perverti est un premier niveau sur lequel se déploie la personnalité de Jacob. Sur un autre plan, celle de l'humanité intime du personnage, c'est un autre problème. Ce roman, inachevé d'ailleurs, est peut-être un roman de masque, comme le théâtre de Marivaux, dans son essence, est un théâtre de masques. Mais les masques imposés par la société, à la longue, mordent la chair du visage. Et Jacob, paysan parvenu, vit une vie lourde de sens, avec ses crudités, ses duretés, ses égoïsmes intellectuels et charnels, ses compromissions et ses nobles souillures. Les dévotes vieillies, les libertines un peu mûres, la vieille fille, heureuse avec son beau garçon de mari dont les autres sont friandes, les petits rapports en argent, est-ce vraiment désagréable ? Avec Marivaux, avec Jacob, avec Mademoiselle Habert, avec Madame de Ferval ou Madame de Fécourt, tout est charmant et sympathique, tout est léger, de belle humeur, de bonne humeur, et précis et net et réaliste, comme une suite de ces estampes galantes qui réjouissent toujours le cœur sans malice des bons esprits de partout. Donc, dans la mesure où la commère donne une autre image, un autre sens à l'œuvre connue de Marivaux, c'est une trouvaille qu'on appréciera facilement. C'est une autre musique, une autre psychologie, et plus proche des fausses confidences et de leur hardiesse que des subtiles abstractions des œuvres de 1725-1730. Il ne faut jamais oublier qu'au-delà de toute morale convenue, Marivaux a prêché l'émancipation des femmes et la suppression du mariage, qu'il a souhaité le matriarcat et l'union libre, et qu'il a parlé de la fraternité sociale et de la morale individuelle autant et aussi bien, autrement aussi, que Voltaire, d'Alembert et Diderot. Le monde heureux et lamentable parfois, le monde harmonieux et désaxé de la Régence et de Louis XV, toutes ses richesses et ses aventures, Marivaux les a retrouvées dans la société parisienne, bourgeoise, aisée et roturière de son entourage, et il nous en donne une image vivante par le truchement de personnages très réalistes, à peine déguisés, à peine burlesque, toujours amoureux et toujours comblé. Nous retrouvons dans la commère les personnages principaux d'une aventure de Jacob. Cependant, Marivaux, pour présenter d'une commère une évocation théâtrale valable, a donné, dans la construction scénique de la pièce, le rôle principal à un personnage purement épisodique dans le roman, Madame Alain. De Madame Alain. Madame Alain loue des chambres. Mademoiselle Habert est une de ses locataires. Nous sommes dans le salon du rez-de-chaussée. Entrons dans cette salle. Entre une demoiselle d'âge mûr, c'est Mademoiselle Habert, suivi d'un jeune homme à l'allure engageante. Puisqu'on dit que Madame Alain va revenir, ce n'est pas la peine de remonter chez vous pour redescendre après. Nous n'avons qu'à l'attendre ici, en te visant. Je veux bien. Que j'ai de contentement quand je vous regarde. Que je suis aise. On dit que l'on meurt de joie. Ce n'est pas vrai, puisque me voilà. Et si je me réjouis tant de notre mariage, ce n'est pas à cause du bien que vous avez au moins. Et de celui que je n'ai pas. Or, de belles et bonnes rentes sont bonnes, je ne dis pas non. Et on aime toujours avoir de quoi. Mais tout cela n'est rien en comparaison de votre personne. Quel bijou! Il est donc bien vrai que vous m'aimez un peu, la volée. Un peu? Mademoiselle, là, de bonne foi, regardez-moi dans l'œil pour voir si c'est un peu. Hélas, ce qui me fait quelquefois douter de votre tendresse, c'est l'inégalité de nos âges. Oh, mais votre âge, où le mettez-vous donc? Ce n'est pas sur votre visage. Est-ce qu'il est votre cadet? Oh, je ne dis pas que je sois bien âgée, je sens encore assez bonne pour un autre. Eh bien, c'est moi qui suis l'autre. Au surplus, chacun a son tour pour venir au monde. L'un arrive le matin, l'autre le soir. Et puis on se rencontre, sans même se demander depuis quand on y est. Vous voyez ce que je fais pour vous, mon cher enfant. Oh, pardi. Je vois des bontés qui sont des merveilles. Je vois que vous avez levé un habit pour moi, qui me fait brave, comme un marquis. Je vois que je m'appelais Jacob et que depuis 15 jours, vous avez eu l'invention de m'appeler votre cousin, Monsieur de la Vallée. Est-ce que ça n'est pas admirable? Je me suis séparée d'une sœur avec qui je vivais depuis plus de 25 ans, dans l'union la plus parfaite, et je brave les reproches de toute ma famille qui ne me pardonnera jamais notre mariage quand elle le saura. Vraiment, que n'avez-vous point fait? Je ne savais pas les civilités du monde, par exemple. Et à cette heure, je suis poli. J'ai des manières. Je proférais des paroles rustiques au lieu qu'à présent je lis des mots délicats, on me prendrait pour un livre. Ça n'est-il pas bien gracieux? Ce n'est pas votre bien qui me détermine. Ce n'est pas ma condition non plus. Finalement, je vous dois mon nom, ma braverie, mon beau langage, ma parenté, ma bonne mine. Et puis vous m'allez prendre pour votre homme, comme si j'étais un bourgeois de Paris. Dites que je vous épouse, la Vallée, non pas que je vous prends pour mon homme. Cette façon de parler ne vaut rien. Ah, pardi, grand merci, cousine. Je vous fais bien excuse, mademoiselle, oui. Vous m'épousez. Si vous m'aimez, je suis assez payée. Je paie tant que je puis, sans compter, je n'y épargne rien. Je vous crois. Mais pourquoi regardez-vous tant Agathe lorsqu'elle est avec nous? La fille de Madame Alain? Bon, c'est qu'elle m'agace. Petite sotte, hein. Est-ce que sa mère ne va pas toujours disant aussi que je suis beau garçon? Oh, pour la mère, elle ne m'inquiète pas, toute réjouie qu'elle est. Et je suis persuadée, après toute amitié qu'elle me témoigne, que je ne risque rien à lui confier mon dessein. À qui confierais-je d'ailleurs? Il ne serait pas prudent d'en parler aux gens qui me connaissent. Je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Il n'y a que Madame Alain à qui nous puissions nous adresser. Mais elle n'arrive point. Je me rappelle que j'ai un ordre à donner pour le repas de ce soir. Je remonte. Oh, restez ici. Prévenez-la toujours quand elle sera venue. Je redescends bientôt. Oui, ma bonne parent. Cette fille-là m'adore. Elle se meurt pour ma jeunesse et voilà ma fortune faite. Ah, oh, c'est vous, monsieur de la Vallée? Vous avez l'air bien gai. Qu'avez-vous donc? Ce que j'ai, mademoiselle Agathe? J'ai... que je vous vois. Oui, dame. Il me semble en effet, depuis que nous nous connaissons, que vous aimez assez à me voir. Ah, vous avez raison, j'aime cela tout à fait. Mais vous parlez de mon œil gai, c'est le vôtre qui est gaillard. Quelle prunelle! D'où cela vient-il? Apparemment de ce que je vous vois aussi. Vraiment? Tant mieux. Est-ce que par hasard je vous plais un peu, mademoiselle Agathe? Dites, qu'en pensez-vous, monsieur de la Vallée? Eh, mais... je crois que j'ai opinion que oui, mademoiselle Agathe. Nous sommes tous deux du même avis. Tous deux? Oh là là, la jolie parole. Où est-ce qu'est votre petite main que je l'en remercie? Qu'est-ce qui peut s'empêcher de prendre ça en passant? Je n'ai jamais permis à monsieur Dumont de me baiser la main, au moins, quoiqu'il m'aime bien. C'est signe que vous m'aimez mieux que lui, mon mouton. Quelle différence! Tout le monde est amoureux de moi. Je la baiserai encore si je veux. Vous venez de la voir? Oh. Parlez à ma mère si vous voulez la voir tant que vous voudrez. Ah, vraiment, il faut que je lui parle aussi, je l'attends. Vous l'attendez? Oui, je viens exprès. Vous faites fort bien car monsieur Dumont y songe. Heureusement, la voilà qui arrive. Ma mère, monsieur de la Vallée vous demande, il va vous entretenir de mariage et votre volonté sera la mienne. Adieu, monsieur. Entre Madame Alain, plantureuse, éclatante, le visage satisfait. Dites-moi donc, gros garçon, qu'est-ce qu'elle me compte là? Que souhaitez-vous? Discourir, comme elle vous le dit, d'amour et de mariage. Oh. Mm-hmm. Je ne croyais pas que vous songiez à Agathe. Je ne croyais imaginer autre chose. Ah non, ce n'est pas à elle non plus. C'est le mot de mariage qui l'abuse. Voyez-vous cette petite fille? fille. Sans doute qu'elle ne vouait pas. Non. Elle fait comme sa mère. Encore une amoureuse, mon mérite ne finit point. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, je ne pense pas à elle. Et c'est un entretien d'amour et de mariage? J'y suis. Je vous entends à cette heure. Et encore, qu'entendez-vous, madame Alain? Mais pardon, mon enfant, j'entends ce que votre mérite m'a toujours fait comprendre. Il n'y a rien de si clair. Vous avez tant dit que mon humeur, mes manières vous revenaient. Vous êtes toujours si folâtre autour de moi. Cela s'entendrait. Autour d'elle? Je me suis bien doutée que vous m'en vouliez. Et je n'en suis pas fâchée. Pour ce qui est le cas de vous en vouloir, il est vrai que vous vous portez si bien. Vous êtes si fraîche. Et qu'aurais-je pour ne l'être pas? J'ai 35 ans, mon fils. J'ai été mariée à 15. Ma fille est presque aussi vieille que moi. J'ai encore ma mère qui a la sienne. Vous n'êtes qu'une enfant qui a grandi. Et cet enfant vous plaît, n'est-ce pas, par l'hardiment? Quelle vision! Je suis franche et je vous avoue que vous êtes fort à mon gré aussi. Ne vous en êtes-vous pas aperçu? Par-ci, par-là! Oh, je le crois bien! Si seulement vous aviez 10 ans de plus, cependant, tout n'en irait que mieux, car vous êtes bien jeune. Quel âge avez-vous? Pas encore 20 ans, je les aurai que demain matin. On ne vous pressez pas. Je m'en accommode comme ils sont. Ils ne me font pas plus de peur aujourd'hui qu'ils m'en feront demain, puis après tout. Un mari de 20 ans avec une veuve de 35 vont bien ensemble, fort bien, c'est pas là l'embarras. Surtout avec un mari aussi bien fait que vous et d'un caractère aussi doux. Point du tout, vous m'excuserez. Très bien fait, vous dis-je très énorme. Mais arrêtez-vous donc, madame Alain, ne prenez pas la peine de me louer. Il y aura trop à rabattre en vérité. Vous me confondez. Voyez cette modestie. Allons, je ne dis plus mot. À ça, arrangeons-nous puisque vous m'aimez. Oh, mais... Voyons. Ce n'est pas le tout que de se marier. Il faut faire une fin. À votre âge, on est bien vivant. Hein? Vous m'avez l'air de l'être plus qu'un autre. Je ne le suis pas mal non plus, moi qui vous parle. Ah oui, très vivant. Ainsi, nous voilà déjà deux en danger d'être bientôt trois. Peut-être quatre, peut-être cinq. Mais c'est jusqu'où peut aller une famille. Il est toujours bon d'en supposer plus que moi, n'est-ce pas? J'ai assez de bien de mon chef. J'ai ma mère qui en a aussi. Une grand-mère qui n'en manque point. Un vieux parent dont j'hérite et qui m'en laissera pour peu que vous en ayez. On se soutient en prenant quelques charges. On roule! Qu'est-ce que c'est que vous avez de votre côté? Ah, moi je n'ai point de côté. Que voulez-vous dire par là? Que je n'ai rien. C'est moi qui suis tout mon bien. Quoi, rien du tout? Non, rien que des frères et sœurs. Rien, vraiment, fils, ça n'est pas assez. Je n'en ai pourtant pas davantage. Vous en contentez-vous, madame Alain? En vérité, il n'y a pas moyen, mon garçon, il n'y a pas moyen. C'est ce que je voulais savoir avant de m'aviser, car pour vous aimer, ce serait besoin de faire. C'est dommage. J'ai grand regret à vos 20 ans, mais rien que fait-on de rien. Est-ce que vous n'avez pas au moins quelque héritage? Ah, si fait. J'ai 7 ou 8 parents robustes et en bonne santé, dont j'aurai infailliblement la succession quand ils seront morts. Il faudrait une furieuse mortalité. À moins qu'on ne les tue. Est-ce que cette demoiselle Aber, votre cousine, qui vous aime tant, ne pourrait pas vous avancer quelque chose? Vraiment? Elle m'avancera de reste, puisqu'elle veut m'épouser. Dites-vous pas que votre cousine vous épouse? Eh oui, je vous l'apprends. Et c'est de quoi elle a à vous entretenir. N'allez pas lui dire que je vous donnais la préférence, elle est jalouse et vous me feriez tort. Moi lui dire, mon ami, est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je suis une femme qui parle? Madame Alain parlait. Madame Alain qui voit tout, qui sait tout et me dit mot. Il est bon d'être si rare. Ah, allez, je ferais bien d'autres vacarmes si je le voulais. J'ai bien autre chose à cacher que votre amour. Vous vîtes encore hier Madame Rémy ici. Je n'aurais donc qu'à lui dire que son mari m'en compte, sans qu'il y gagne. À telle enseigne que je reçus l'autre jour à mon adresse une belle et bonne étoffe bien empaquetée qui arriva de la part de personne et que je ne sais qui venait de lui qu'après qu'elle a été coupée, ce qui m'a obligée de la garder. C'était pas ma faute. Mais je n'en ai jamais dit le mot à personne. Et ça n'est pas même pour vous l'apprendre que je vous le dis, mais seulement pour vous montrer qu'on s'estère. Vertu chou, quelle discrétion! Ça me résorpons, mais parlez donc, monsieur de la vallée, vous qui m'aimez tant. Vous aimez là une fille bien ancienne entre nous, que je vous plains. Ce que c'est que de n'avoir rien, la vieille folle. Ah, mais tous, la voilà qui vient. Prenez garde à ce que vous direz. Craignez rien. Bonjour, madame. Je suis votre servante, mademoiselle. J'apprends là une nouvelle qui me fait plaisir. On dit que vous vous mariez. Oh, doucement, ne parlez pas si haut. Il ne faut pas qu'on le sache. C'est donc un secret. Sans doute. Est-ce que monsieur de la Vallée ne vous l'a pas dit? Je n'ai pas eu le temps. Nous commencions, je ne sais encore rien de rien. Mais je parlerai pas. Eh bien, comptez-moi vos petites affaires de cœur. Vous vous aimez donc. Que cela est plaisant. Que trouvez-vous de si plaisant à ce mariage, madame? Mais je n'y trouve rien, moi au contraire, je l'approuve, je l'aime, il me divertit, j'en ai de la joie, voulez-vous que j'y trouve, moi, qu'y a-t-il à dire? Vous aimez ce garçon, c'est bien fait. S'il n'a que 20 ans, c'est pas votre faute. Dans 10, il en aura 30 et vous 10 de plus, mais qu'importe. On a de l'amour, on se contente, on se marie à l'âge qu'on a. Si je pouvais vous ôter les trois quarts du vôtre, vous seriez bientôt du sien. Qu'avez-vous du sien, mais rêvez-vous, madame Alain, mais savez-vous que je n'ai que 40 ans, tout au plus. C'est qu'on s'y méprend, la mine qu'il vous donne. Vous vous moquez, on les prendrait pour des années de 6 mois, finissez donc. Mais de quoi se fâche-t-elle? Mademoiselle Appert, c'est que je l'aime. Allons, ma chère amie, un peu de gaieté. Vous êtes toujours sur le qui-vive, et mort de ma vie, en valez-vous moins parce que vous êtes un peu mûre. Voyez comme elle s'est soutenue. Elle est plus blanche, plus droite. Elle a des yeux, un teint. Un fripon comme il en débite. Revenons. Vous l'épousez? Après, que faut-il que je fasse? Personne ne viendra-t-il nous interrompre? Attendez, je vais y mettre bon ordre. Javotte! Javotte! Qu'allez-vous faire? Laissez, c'est qu'on peut entrer ici à tout moment et moyennant la précaution que je prends, il ne viendra personne. Javotte! Comme vous criez, on n'a pas le temps de vous répondre, que vous plaît-il? Si quelqu'un vient me demander qu'on dise que je suis en affaire, il faut que nous soyons seuls, mademoiselle Haber a un secret de conséquence à me dire. N'entrez pas non plus sans qu'on vous appelle. Entendez-vous? Tardi, je m'embarrasse bien du secret des autres. Ne dirait-on pas que je suis curieux? Marchez, raisonneux! Voilà une seule femme, monsieur de la Vallée. Oui, elle n'est pas assez prudente. Ah, ça nous voilà tranquille à cette heure. Madame Alain, mais pourquoi informez-vous que j'ai une confidence à vous faire? Mais il ne fallait pas. Mais si fait, vraiment! C'est afin qu'on ne vienne pas nous troubler. Pensez-vous qu'elle aille se douter de quelque chose? Oh, si vous avez la moindre inquiétude là-dessus, il y a bon, mais ne vous embarrassez pas, j'en vais là. Mais quel est votre dessein? Pourquoi la rappeler? Je ne gâterai rien. Oh, que me voulez-vous donc, madame? On ne fait qu'aller et venir ici. Qu'y a-t-il? Écoutez-moi. Je me suis mal expliquée tout à l'heure. Ça n'est pas un secret que mademoiselle veut m'apprendre. N'allez pas le croire et encore moins le dire. Ce que j'en fais n'est que pour être libre. Et non pas pour une confidence. Est-ce là tout? Pardi, la peine d'autrui ne vous coûte guère. Est-ce moi qui suis la plus babillarde de la maison? Taisez-vous! Et faites attention à ce qu'on vous dit en temps de raisonnement! Oh. Oh. Ah ça, vous devez avoir l'esprit en repos ou elle a tout raccommodé? Soit. Mais ne raccommodez plus rien, je vous en prie. J'ai besoin d'un extrême secret. Vous jouez de bonne heure, une muette et moi, c'est tout. J'ai les secrets de tout le monde. Hier au soir, le marchand, qui est mon voisin, me fit serrer dans ma salle basse je ne sais combien de marchandises de contrebande qui seraient confisquées si on le savait. Voyez si on me croit. Ah ben, vous m'en donnez une étrange preuve, mais pourquoi me le dire? L'étrange fille, c'est pour vous rassurer. Quelle femme! Poursuivons. Il faut que je sois informée de tout, de peur de surprise. Pour quel motif cachez-vous votre mariage? Oh, c'est que je ne veux pas qu'une sœur que j'ai, avec qui j'ai passé toute ma vie, le sache. Fort bien, je ne savais pas que vous aviez une sœur, par exemple, cela est bon à savoir. S'il vient ici quelques femmes, vous demandez, je commencerai par dire, êtes-vous sa sœur ou non? Oh! Mais non, madame, mais vous devez absolument ignorer qui je suis. On vous demanderait à vous comment vous savez que cette chère enfant a une sœur. Vous avez raison. J'ignore tout, je laisserai dire. Ah. Ou bien je dirais, qu'est-ce que c'est que cette demoiselle Haber? Je ne connais point cela, moi non plus que son cousin, monsieur de la Vallée. Oh. Quel cousin? Et lui, voilà. Et non, nous ne sommes pas trop cousins, non. C'est que vous ne l'êtes pas du tout. Rien que par honnêteté. Et depuis 15 jours. Pour la commodité de se voir ici sans qu'on en babille. Oh, j'entends point de cousin que cela est comique. Ce que c'est que l'amour, cette chère fille. Mais n'admirez-vous pas comme on se prévient, j'avais déjà trouvé un air de famille entre vous deux. De très loin la vérité, car ce sont des visages si différents. Parlons du reste. Qu'appréhendez-vous de votre sœur? Oh, les reproches, les plaintes. Les caquets des uns, les remontrances des autres. Oui, l'étonnement de tout le monde. J'appréhendrai que par malice, par industrie ou par autorité, on ne mit opposition à mon mariage. Oh, des oppositions, il y en aurait. On parlerait peut-être d'interdire. M'interdire, moi? Mais en vertu de quoi? En vertu de quoi, ma fille? En vertu de ce qu'ils diront? Vous faites une folie, que la tête vous baisse, que sais-je? Ce qu'on dit en pareil cas quand il y a un peu de sujet. Et le sujet y est. Mais vous me prenez l'embord une folle? Non, mamie, je vous excuse. Moi, je compatis à l'état de votre cœur et vous ne m'entendez pas. C'est par amitié que je parle. Je sais bien que vous êtes sage, j'ignorais que vous l'êtes. Je vous reconnais pour tel. Mais pour preuve que vous ne l'êtes pas, ils apporteront vos amours, qu'ils traiteront de ridicule. Votre dessein d'épouser, qu'ils traiteront d'enfance. Ils apporteront une quarantaine d'années qui malheureusement paraissent 5 ans. Oh. Ils allégueront son âge à lui et 1000 mauvaises raisons que vous êtes en danger d'essuyer comme panne. Mais écoutez-moi, est-ce que je dessine vous fâcher? Ce n'est que par zèle en un mot que je vous épouvante. Mais d'une maladresse. Mais enfin, madame Alain, vous alléguez l'âge de la cousine. Regardez-y à deux fois, où voulez-vous qu'on le prenne? Sur le registre où il est écrit, mon petit bonhomme. Car vous m'impatientez, vous autres, on est pour vous et vous criez comme des troublés. Vous n'êtes encore qu'au berceau par rapport à elle, afin que vous le sachiez. Oui, au berceau, mon mignon, il est inutile de se flatter là-dessus. Pas si mignon, madame Alain, pas si mignon. Et de grâce, madame, laissons cette matière-là, je vous en conjure, mais toutes les contradictions viendraient uniquement de ce que monsieur Lavallée est un galet qui n'a point de bien. Le cadet me l'a dit point de bien, j'oubliais cet article. Viendrait aussi de ce que j'ai un neveu que ma sœur aime et qui compte sur ma succession. Où est le neveu qui ne compte pas? Il faut que le vôtre se trompe et que monsieur de Lavallée ait tout. Oh, pour moi, voilà mon tour. D'accord, mais il n'y aura pas de mal que le reste y tienne. À condition que vous le mériterez, monsieur de Lavallée. Traitez votre femme en bon mari, comme elle s'y attend. Ne vous écartez point d'elle. Et ne la négligez pas, sous prétexte qu'elle sera sur son déclin. Mmh. Et que fait ici mon déclin, madame? Mais nous n'en sommes pas là. En finissant... Je vous disais que j'ai quitté ma sœur. Je ne l'ai pas informée de l'endroit où j'allais demeurer. Vous voyez même que je ne sors guère de peur de la rencontrer ou de trouver quelques gens de connaissance qui me suivent. Cependant, j'ai besoin de 2 notaires et d'un témoin, je pense. Voulez-vous bien vous charger de me les avoir? Il suffit. Les voulez-vous pour demain? Pour tout à l'heure, je languis. Je serais bien aise de finir aujourd'hui, si cela se peut. Aujourd'hui, dit-elle. Cet amour, cette impatience. Elle donne envie de se marier, la voilà rajeunie de 20 ans. Oui, oh. Mon cœur, oui, ma reine, aujourd'hui, rassurez-vous, je vais dans l'instant travailler pour vous. Surtout, madame Alain, qu'on ne soupçonne pas par ce que vous direz, que c'est pour moi que vous envoyez chercher ces messieurs. On ne craignit rien, pas même les notaires ne seront pour qui c'est que lorsqu'ils seront ici. Et encore n'en diront-ils rien après, si vous le voulez. Je vous réponds d'un... qui est jeune, un peu mon allié, qui venait ici du temps où il était clair, et qui nous gardera bien le secret, car je lui en garde un qui est d'une conséquence. Je vous dirai une autre fois ce que c'est, faites-moi souvenir. Et puis notre témoin sera monsieur Rémy, ce marchand que ici que vous voyez quelquefois chez moi. Quoi? Votre galant qui a envoyé l'étoffe? Tout juste, l'homme à la robe, il était perdu de moi. Et à qui appartient aussi cette contrebande que j'ai dans mon armoire, voyez s'il nous trahira. Mais laissez-moi appeler ma fille Agathe. Agathe, Agathe, Agathe, Agathe! Qu'est-ce que souhaitez-vous, ma mère? Allez-vous-en tout à l'heure chez monsieur Rémy, le prier de venir ici sur le champ. Tâchez même de l'amener avec vous. J'y vais de ce pas, maman. Mais écoutez-moi. Ah, dites-lui que j'aurais passé chez lui, si je ne m'étais pas proposé d'aller chez monsieur Thibault et un autre notaire que je cherchais pour un acte qui prête. Deux notaires, ma mère, et pour un acte? Mais vous, ma fille, allez! Et si monsieur Rémy me demande ce que vous voulez, que lui dirais-je? Que c'est pour servir de témoin. Il n'y a pas d'inconvénient à l'en avertir. Gardez-vous de peur de surprise, afin qu'il ne sorte et qu'on termine aujourd'hui. Donnez-moi seulement le temps de saluer mademoiselle Abert. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous me continuerez l'honneur de votre amitié, et plus à présent que jamais. Je n'ai nulle envie de vous l'ôter, je vous remercie du redoublement de la vôtre. Je ne fais que mon devoir, mademoiselle, et suis mon inclination. Oh, vous êtes bien en humeur de complimenter, ce me semble pas. C'est fou! Oui, ma mère! Adieu, monsieur Lavallée. Je vous salue, mademoiselle. Je vous aime bien. Vous n'avez tenu pas. Ah, que monsieur Rémy attende que je sois de retour. Au reste, qu'il ne sorte pas d'ici. Que je l'en prie, que je revienne en moins de 10 minutes. Oui, je le retiendrai. Ne lui dites pas que c'est pour servir de témoin. Mais devine-t-elle que c'est pour un mariage? Ce n'est pas moi qui le lui ai appris. C'est qu'elle croit que vous l'épousez? Oui. Ah, ça. Mes enfants, je vous quitte. Mais je vous demande pardon de la peine. Vous allez donc enfin être à moi, mon cher Lavallée. Le cœur me bat. Cette pensée me rend la laine courte. Quel ravissement. Vous ne sauriez douter de ma joie. Tenez, il me semble que je ne touche plus à terre. J'aime à te voir si pénétré. Pourvu que madame Alain, avec ses indiscrétions... Dès que vous m'aimez, je suis né coiffé. C'est une affaire finie dans le ciel. Ce qui me surprend, c'est que cette petite Agathe sache que c'est pour un mariage. Je crois même qu'elle... Oh, je ne vais pas venir tout à l'heure. J'ai trouvé chez lui, monsieur Dumont. Monsieur Dumont? Oui, ce jeune monsieur qui me fait la cour et que je vous ai dit qu'il me recherchait. Ah. Il m'a dit, avec des mines doucereuses dont j'ai pensé rire de tout mon cœur, « Mademoiselle, n'approuvez-vous pas que je parle à Madame Alain ?» Et moi, je n'ai rien répondu. Oh, ce n'est pas qu'il n'ait de mérite, mais j'en sais qu'il y en a davantage. On ne saurait trop en avoir pour vous, belle Agathe. Je m'estime bien glorieuse que vous m'en ayez trouvé assez, mademoiselle. Ah, je vous avais bien dit qu'il n'attendrait pas à venir. Où est donc Madame Alain, mademoiselle Agathe? Elle va venir? Non, je retourne un instant chez moi. Bonjour, monsieur Rémy. Monsieur Thibault va amener un de ses confrères. Bonjour, monsieur Rémy, j'ai à vous parler. Agathe, amenez ces messieurs quand ils seront venus. Nous allons vous laisser avec monsieur. Vous nous ferez avertir quand vous aurez besoin de nous. Sans adieu. Pauvre bonhomme, il me regrette. Il s'en va tristement avec sa vieille. Oh, monsieur Rémy! Y a-t-il longtemps que vous êtes ici? J'arrive, mais y eut-il une heure, elle serait bien employée, puisque je vous vois. Toujours des douceurs. Vous recommencez toujours. C'est que vous ne cessez pas d'être aimable. Patience, je me corrigerai avec le temps. Le monde. Un petit service pour une affaire que je tiens cachée. De quoi s'agit-il? D'un mariage où je vous prie d'être témoin. Si c'est pour le vôtre, je n'en ferai rien. Je n'aiderai jamais personne à vous épouser. Serviteur! Où va-t-il? Mais où va-t-il? Où va-t-il? À qui en avez-vous, monsieur, l'emporté? Ce n'est pas pour moi. C'est donc pour mademoiselle Agathe. Non. Qu'il n'y a pourtant que vous deux à marier dans la maison. Raisonnablement parlant, vous dites assez vrai. Comment? Serait-ce pour cette demoiselle Abert à qui vous avez loué depuis 3 semaines? Je ne parle pas. Quand je vous entends, c'est pour elle. Je me tais tout court. Oh, je pourrais bien vous le dire, puisqu'on va signer le contrat et que vous y serez. Mais je ne parle pas. En fait, de secret confié, il ne faut se rien permettre. Mais si je devine... Ce ne sera pas ma faute. Il me sera permis d'en rire. C'est une liberté que j'ai prise la première. Mais pourquoi se cache-t-elle? C'est pour éviter les reproches d'une famille qui ne serait pas contente de lui voir prendre un mari tous les plus jeunes. Ce mari ressemble bien à son petit cousin Lavallée. Ils ne sont pas cousins. Ah, ils ne le sont pas. Pas plus que vous et moi. Au reste, vous soupez ici. Je vous en avais... Tant mieux, j'aime la comédie. Mais je vais dire chez moi que je suis retenu ici pour un mariage. Faites donc vite. Les notaires vont venir bientôt. Ils seront discrets. Il y en a un dont je suis bien sûre. C'est Monsieur Thibault. Qui va épouser la fille de Monsieur Constant. À qui il me dit qu'il paiera sa charge des deniers de la dot. Ce qu'il n'ignore pas que je sais, ce fut feu mon mari qui ajusta l'affaire de la charge. Adieu. Dans un instant, je suis à vous. Il a deviné fort juste, quoique je lui ai rien dit. Ma mère, voilà ces messieurs. Je suis votre servante. Oh, monsieur Thibault, il y a longtemps que nous étions vus. Quoi, Calier? Je ne m'en cache pas. Qu'y a-t-il pour votre service? Votre fille. Mademoiselle Abert et monsieur de la Vallée sont dans le cabinet. Dites-leur de venir. Mais les voilà, Agathe, retirez-vous! Je sors, ma mère! Messieurs, il est question d'un contrat de mariage pour les deux personnes que vous voyez. Et monsieur Rémy, qui est connu de vous, monsieur Thibault, va servir de témoin. Nous n'avons rien à demander à mademoiselle, elle me semble en état de disposer d'elle. Mais monsieur me paraît bien jeune, est-il en puissance de père et de mère? Non, il y a 2 ans, vient de l'été, que le dernier des deux mourut. Hydropique. N'auriez-vous pas un consentement de parents? Là, celui de mon oncle. Oui, oh, il n'y manque rien. Le juge du lieu y a passé, paraphe, signature, tout y est. La feuille timbrée du tout. Vous n'êtes pas d'ici, apparemment. Non, monsieur, je suis bourguignon pour la vie. Du pays du bon vin. Oui, cela me paraît en bonne forme. Et puis nous nous en rapportons à Madame Alain, dès que c'est chez elle que vous vous mariez. Je les connais tous deux, mademoiselle. Commençons toujours en attendant monsieur Rémy. Oh, voici qui vient. Est-ce que je vous salue, madame? J'ai un petit mot à vous dire à partir, avec la permission de la compagnie. Qu'est-il arrivé? J'ai été obligé de dire à ma femme pourquoi j'étais retenu ici. Oui, oui, mais je... Mais je n'ai nommé personne. Je ne vous ai rien dit, c'est vous qui avez deviné. Non, non, non. Au mot de secret, un jeune monsieur qui venait pour une maison que je vends a prié de l'amener chez vous. Il vous apprendra, dit-il, des choses singulières que vous ne savez pas. Des choses singulières qui viennent. Il m'attend là-bas, je vais le chercher si vous le voulez. Si je le veux, belle demande, des choses singulières. Je les garde du manqué, il y a des cas où il faut tout savoir. Je vais le faire venir et prendre de ces marchandises dans votre armoire. Je les porterai chez moi où l'on doit les venir prendre ce soir. Allez, monsieur Rémy, allez. Messieurs. Ah. Je vous demande pardon, mais... Passez, je vous prie, pour un demi-quart d'heure dans le cabinet. Mademoiselle Haber, il va monter un homme qui, je crois, veut m'entretenir de vous. Laissez-moi et que monsieur de la Vallée soit témoin du zèle et de la discrétion que j'aurai. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui l'a vu chez ma sœur? Ah, la réflexion est sensée. Retirez-vous, mademoiselle, et vous, monsieur. De la porte du cabinet, vous jetterez un coup d'œil sur l'homme qui va venir. S'il ne vous connaît pas... Vous serez mon parent comme vous étiez celui de mademoiselle. Cette visite m'inquiète. Mademoiselle Haber et la Vallée se retirent dans le cabinet. Entre le visiteur. Madame. Madame Alain s'assure que du cabinet, on peut voir le visiteur sans être vu. Signe de connivence avec la Vallée. Il ne connaît pas le visiteur. Monsieur de la Vallée, vous ne serez point de trop. Monsieur, vous pouvez lire devant lui ce qu'il vous plaira. Excusez la liberté que je prends. Oh. On dit que vous avez chez vous une demoiselle qui va se marier incognito. Mais il n'y a pas de ce... Incognito ici? Il faut que ce soit à une autre porte. Défiez-vous de ce gaillard-là, cousine. Mais il n'y a pas de mystère, c'est monsieur Rémy qui l'a amené. Oui, il y a une demoiselle qui se marie. Et qui n'est peut-être que la 20e du quartier qui en fait autant. J'en sais 5 ou 6 pour ma part. Reste à savoir si monsieur connaît la nôtre. Si c'est celle que je cherche, je suis de ses amis. J'ai quelque chose à lui remettre. La nôtre n'attend rien. Ne donnez pas dans le panneau. Ben, où sont donc ces choses singulières que vous devez m'apprendre et qui apparemment ne lui sont pas favorables? Et j'en conclue que vous n'êtes pas son ami autant que vous le dites. Et que vous ne marchez pas droit en besogne. Vous m'excuserez, madame, il est très vrai que j'ai à lui parler, que je suis son ami. Et c'est cette amitié qui veut la détourner d'un mariage qui déplaît à sa famille et qui n'est pas supportable. Il va encore de travers. Venons d'abord aux choses singulières, c'est le principal. Mettez-vous à ma place. Ne dois-je point savoir, avant de vous les confier, si la personne qui loge chez vous est celle que je cherche? Donnez-moi du moins quelques idées de la vôtre. C'est une fille qui se marie, voilà tout. Il y a un bon moyen de s'en éclaircir. Eh bien, court. Ne cherchez-vous pas une jeune fille? Vous m'en avez tout l'air. Répondez. Jeune? Oui, madame. Est-ce que la vôtre ne l'est pas? Vraiment non. C'est une fille âgée. Nous n'avons pas ce qu'il vous faut. Je gage aussi que votre demoiselle a père et mère. J'en demeure d'accord. Ben, vous voyez bien que rien ne se rapporte. La vôtre n'a donc plus ses parents. Non, elle n'a qu'une sœur avec qui elle a passé sa vie. Le cœur me dit que vous me coupez la gorge. Votre cœur rêve. Nous n'y sommes plus. La mienne est brune et n'a qu'une tante. La nôtre est blonde et n'a qu'un neveu. Et la sœur ni le neveu n'avaient que faire là, je ne les aurais pas déclarés. Avec qui la vôtre se marie-t-elle? Avec un veuf de 30 ans, homme assez riche, mais qui ne convient point à la famille. Et voilà le futur de la nôtre. Le porteur dira le reste. Oh voilà, c'est madame, je me rends. Des fois, ici qu'on trouvera mademoiselle Dumont. Non, il faut que vous vous contentiez de mademoiselle Haber, qui a peur de son côté que je vais rassurer en l'avertissant qu'elle n'a rien à craindre. Paraissez, notre amie. Venez rire de la frayeur de monsieur de la Vallée. Eh bien, madame, de quoi s'agissait-il? Oh, mon neveu! Son neveu? Votre tante? Oui, madame. J'étais devin. Ne rougissez-vous pas de votre fourberie? Écoutez-moi et ne vous fâchez pas. Votre franchise naturelle est louable. Aidée d'un peu d'industrie de ma part à causer cet événement avec une femme moins vraie, je ne tenais rien. Cette bonne qualité a toujours été mon défaut, je ne m'en corrige point. Je suis outrée. Et vous n'avez rien à vous reprocher. Que d'avoir eu de la langue. N'ai-je pas été surpris? N'ayez point de regret à cette aventure. Profitez au contraire de l'occasion qu'elle vous offre de rendre service à d'honnêtes gens. Et ne vous prêtez plus à un mariage aussi ridicule et aussi disproportionné que celui-ci. Qu'y a-t-il donc tant à dire aux proportions? Ne sommes-nous pas garçons et filles? Taisez-vous, Jacob. Comment Jacob? On l'appelle monsieur de la Vallée. C'est sans doute un nom de guerre que ma tante lui a donné. Donné? Qu'il soit de guerre ou de paix, le beau présent. Son véritable est Jacques Giraud, petit berger. Venu depuis 7 ou 8 mois de je ne sais quel village de Bourgogne, et c'est de lui-même que mes tantes le savent. Berger! Parce qu'on a des moutons. Petit paysan, autrement dit, c'est même chose. On dit paysan, non qu'on donne à tous les gens des champs. Petit paysan, petit berger, Jacob, qu'est-ce donc tout cela, monsieur de la Vallée? Car enfin les parents auraient raison. Non, je vous réponds qu'on arrange cette famille bien malhonnêtement, madame Alain, et que, sans la crainte du bruit, le respect de votre maison et du cabinet où il y a du monde... Que diriez-vous, mon petit ami? Pouvez-vous nier que vous êtes arrivé à Paris avec un voiturier, frère de votre mère? De son propre aveu, c'était un vigneron, son père. Je me tais. Il ne saurait nier que les demoiselles avaient besoin d'un copiste pour mettre au net nombre de papiers que ce fut un de ses parents, qui est un scribe, qu'il présenta à elle. Quoi, un de ces grimaux en boutique qui dressent des écriteaux et des placeurs? C'est ce qu'il y a de plus distingué parmi eux. Et le petit garçon sait un peu écrire, de sorte qu'il fut 3 semaines à leur gage mangeant avec une gouvernante qui est au logis. Oh, il mange à table à 7 heures. Quel balivernes, vous écoutez là! Raisonné, je pense. Il m'a pourtant fait l'amour, le petit effronté. Il est bien vêtu. C'est sans doute ma tante qui lui a fait faire cet habit-là, car il était en fort mauvais équipage au logis. C'est que j'avais mon habit de voyage. Jugez, madame, vous qui êtes une femme respectable qui savez ce que c'est que des gens de famille. Oui, monsieur, je suis la veuve d'un honnête homme extrêmement considéré pour son habileté dans les affaires et qui a été plus de 20 ans secrétaire de président. Voilà. Mademoiselle Habert a eu tort de fuir. Toute la grâce que je lui demande, c'est de choisir un mari que nous puissions avouer. Qui ne fasse pas rougir un neveu plein de tendresse et de respect pour elle, qui n'afflige pas une sœur à qui elle est si chère, à qui sa séparation a coûté tant de larmes. Je ne m'en cache pas, vous me touchez. Les gens comme nous doivent se soutenir. J'entre dans vos raisons. Que j'en rirais si j'étais de bonne humeur. Je vais parler à mademoiselle Habert en attendant que vous ameniez sa sœur. Rien ne se terminera aujourd'hui. Laissez-moi agir. Vous êtes notre ressource et nous nous reposons sur vos soins. Bien. Que vous dit le cœur? Ce n'est pas vous que je blâme, Jacob. Mais il n'y a pas moyen d'être pour un petit berger. Messieurs, vous pouvez revenir ici. Oh, procédons. Non, messieurs, il n'est plus question de cela. Il n'y a point de mariage. Il est du moins remis. Mandant, que voulez-vous dire? Demandez à votre copiste. Mon copiste? Parlez donc, monsieur Davalet. Dame, c'est la besogne du parent que vous savez. C'est lui qui a tourné la tête. Oh, je l'ai prévu. Ne m'entendez-vous pas, ma chère mademoiselle, un petit Jacob qui mangeait à l'office. Un cousin scribe, un oncle voiturier, un vigneron. Dispensez-moi de parler. Ce n'est pas là un parti pour vous, mademoiselle Appel. Mademoiselle Habert, si vous êtes mademoiselle Habert, je connais votre neveu. C'est un jeune homme estimable et qui, de votre aveu même, est sur le point d'épouser la fille d'un de mes amis. Ainsi, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je ne prête point mon ministère pour un mariage qui peut lui faire du tort. Je suis d'avis de me retirer aussi. Adieu, madame. Eh, monsieur, arrêtez un instant, je vous en supplie. Ma chère madame Alain, retenez du moins monsieur Thibault. Souffrez que je vous dise un mot avant qu'il nous quitte. Rien qu'un mot, pour vous raccommoder l'esprit. Non, j'y consens, je ne suis point votre ennemi. Ayez donc la bonté de rester, monsieur Thibault. Je repasserai dans un quart d'heure. Je vous en conjure. Que je vous plaie, ma chère mademoiselle Abbé. Que tout ceci est désagréable pour moi. Ce neveu qui paraît vous aimer est d'une tristesse. Est-il possible que vous vous déterminiez à me chagriner sur les rapports d'un homme qui vous doit être suspect, qui a tant d'intérêt à les faire faux, qui est mon neveu, enfin, et de tous les neveux le plus avide? Ne reconnaissez-vous pas les parents? Pouvez-vous vous y méprendre avec autant d'esprit que vous en avez? Rempli de sang commun, comme vous l'êtes. Calmez-vous, ma chère mademoiselle. Vous m'affligez. Je ne saurais voir pleurer les gens sans faire comme eux. Se peut-il que ce soit Madame Alain qui nous maltraite? Doucement! Le moyen de nous expliquer si nous pleurons tous! Je sais bien que les neveux et les cousins qui héritent ne valent rien, mais on croit le vôtre. Il approuve que vous vous mariez, il n'y a que Jacob qui le fâche. Il n'a pas tort, Jacob. C'est un joli garçon, un beau garçon, je suis de votre avis, c'est pas que je le méprise, on est ce qu'on est. Mais il y a une règle dans la vie. On a rangé les conditions, voyez-vous. Je ne dis pas qu'on est bien fait, c'est peut-être une folie. Mais il y a longtemps qu'elle dure. Tout le monde la suit. Nous venons trop tard pour la contredire. C'est la mode, on ne la changera pas, ni pour vous, ni pour ce petit bonhomme. En France et partout, un paysan n'est qu'un paysan. Et ce paysan n'est pas pour la fille d'un citoyen bourgeois de Paris. Oh, on exagère, Madame Alain. Je suis calomniée, ma chère dame. Vous ne vous êtes pas défendue. J'avais peur de ta part. Il n'a pas voulu faire de vacarme. Récapitulons les injures. Il m'appelle paysan? Mon père est pourtant mort le premier marguillier du lieu, personne ne m'ôtera cette tenace. Ce sont d'ordinaire les principaux d'un bourg ou d'une ville qu'on choisit pour cette fonction. Je l'avoue, mais le père Vigneron... Vigneron! C'est qu'il avait des vignes! Et il n'en a pas qui veut! Mais vraiment des vignes! Prince, duc, marquis, comte, quand tout le monde en a, j'en ai aussi! Vous êtes donc une vigneronne? Il n'y a rien de si impertinent! Ah, ah. J'ai, dit-il, un oncle qui mène des voitures? Encore une malice? Il les fait mener! Le maître d'un carrosse et le cocher sont deux! Cet oncle a des voitures, mais les voitures et les meneurs sont à lui, qu'a-t-il à dire? Qu'est-ce que cela signifie? Quoi, c'est ainsi que votre neveu l'entend? Mon beau-père avait bien 20 fiacres sur la place. Il n'était donc pas de bonne famille à son compte? Non, votre mari était fils de gens de rien, vous avez perdu votre honneur en l'épousant. Mais il en a menti, mais qu'il y revienne! Vous n'avez rien dit de cela devant lui, monsieur de la Vallée? Oh, je n'osais pas me fier à moi, je suis trop violent. Ah, il se serait peut-être battu. Voyez le fourbe avec son copie. Oui, mais c'était par amitié qu'il copiait. Nous l'en avions prié. Mais oui, cette demoiselle me dictait. Oh, je me trompais, elle se trompait aussi. Tantôt mon écriture montait, tantôt elle descendait. Je griffonnais. Et puis c'était à rire de monsieur Jacob. Ah oui, pourquoi ce nom de Jacob? Ah, c'est que dans les provinces, c'est l'usage de donner ces noms-là aux enfants dans les familles. J'ai été prise. Je suis indignée. Oh, le méchant parent! Allez vous tranquilliser dans votre chambre et que monsieur de la Vallée ne s'écarte point. Je veux que votre sœur vous trouve mariée et je vais pourvoir à tout ce qu'il vous faut. Il y a de bon cœur, mais le vôtre est charmant. Allez, vous en serez content. Dans le fond, j'avais été trop vite. J'ai quelque chose à vous dire, ma mère. Oh, vous prenez bien votre temps. Venez-vous m'annoncer quelques désastres? Non, ma mère. Eh bien, attendez. J'ai un billet à écrire. Vous me parlerez après. Vous voyez que je vous tiens parole. Vous me faites grand plaisir. Je vous laisse pour un instant. Ma fille, faites compagnie à monsieur, je reviens. Apparemment que la partie est renouée et que le mariage se termine. Je n'en sais rien. Vous êtes fâchée. Est-ce que ce mariage vous déplaît? Mais sans doute. Mais c'est un malheur pour cette fille-là d'épouser un petit fripon qui ne l'aime point. Et qui encore aujourd'hui faisait l'amour à une autre pour l'épouser. À vous peut-être. À moi, monsieur? Il n'aurait qu'à venir l'impertinent qu'il est. C'est bien un petit rustre comme lui qu'il appartient à aimer des filles de ma sorte. Vous croyez donc que j'aurais écouté un homme de rien? Non, sans doute. On voit bien à la colère où vous êtes, comme vous ne vous souciez pas de lui. Je soupçonne que vous vous moquez de moi, monsieur Thibault. Non, ce n'est pas mon dessein. Vous auriez grand tort, car je sais tout du neveu, et je dirai tout devant vous, à ma mère. Pardon, monsieur Thibault. J'ai écrit à votre confrère, monsieur Lefort, un homme riche, fier, qui salue si froidement tout ce qui n'est pas notaire. Savez-vous ce que j'ai fait? Je lui ai écrit de vous le prier de venir. Il n'y manquera pas. Voilà mademoiselle Agathe qui se plaint beaucoup du prétendu Du prétendu, vous m'affirmez. Mais quoi, ma mère, ce mariage n'est pas rompu. Mademoiselle Abert ne sait donc pas que cela valait de la lie du pape. De quoi vous embarrassez-vous? C'est que cela valait m'a fait un affront qui mérite punition. Ceci devient sérieux. Un affront, petite fille? De quelle espèce est-il mort de ma vie un affront? Puis-je rester? Je n'en sais rien, que veut-elle dire? Il m'a fait entendre qu'il allait vous parler pour moi. Après? Je crus de bonne foi ce qu'il me disait, ma mère. Après? Et c'est bien que je l'ai cru. Ensuite? Mais voilà tout! N'est-ce pas bien assez? Oh! Mais ce n'est qu'une bagatelle! Oh, cette innocente avec son affront! Vous êtes une sotte, ma fille! Il m'a dit que ce qu'il n'a pu vous désabuser sans trahir son secret, vous y aviez donné comme une étourdie. Qu'il n'y paraisse pas. Allez, laissez-moi en repos. Mais il a même porté la hardiesse jusqu'à me baiser la main. Que ne la retiriez-vous, mademoiselle? Apprenez qu'une fille ne doit jamais avoir de main. Passons les mains quand elles sont jolies. C'est pas lui qui attend, il fait sa charge. Apprenez aussi, soit dit entre nous, que la vallée songeait si peu à vous qu'il m'épouserait. Si j'étais femme à vous donner un beau-père. Vous, ma mère? Oui, mademoiselle, moi-même. C'est à mon refus qu'il se donne à mademoiselle Abert, qui heureusement pour elle s'imagine qu'il l'aime. Et à qui je vous défends d'en parler, puisque le jeune homme n'a rien. Oui, je l'ai refusé. Faut qu'il me baisait la main. Aussi bien qu'à vous, une meilleure cœur, ma fille. Allez, retirez-vous. Oh, la vallée me le paiera. Eh bien, madame, qu'a-t-on déterminé? Oh, de passer le contrat, cela serait fait. Sans cet indiscret monsieur Rémy, quel homme, il rapporte, il redit, c'est une gazette. Ah, qu'a-t-il donc fait? C'est que sans lui qui a dit au neveu de mademoiselle Abert qu'elle était chez moi. Ce neveu ne serait pas venu ici débiter 1000 faussetés qui ont produit la scène que vous avez vue. Que je hais les babillards. Si je lui ressemblais, sa femme serait en bonne main. Ah, ah, et d'où vient? Et d'où vient? Oh, je peux bien vous le dire à vous. C'est qu'avant-hier, elle me pria de lui serrer une somme de 4000 livres qu'elle a épargnée à son insu. Et qu'il n'épargnerait pas lui, car il dissipe tout. Je crois un peu libertaire. Vraiment. Il se pique d'être galant. Il se prend de goût pour les jolies femmes. À qui il envoie des présents, malgré qu'elles en aient. Et avez-vous encore les 4000 livres? Mais vraiment, oui, je les ai, s'il le savait. Je ne les aurais pas longtemps. Et voici qui vient. Et nous avons aussi, nous voilà donc parvenus à pouvoir vous marier, ma chère mademoiselle. Le ciel en soit loué. Monsieur Thibault, commencez toujours, monsieur Lefort va venir. Tout à l'heure, madame. Monsieur Rémy, je suis à la veille de me marier moi-même. Vous me devez 1000 écus que je vous prêtais il y a 6 mois. Depuis 15 jours, ils sont échus. Je vous en ai accordé 6 autres, mais comme j'en ai besoin, je vous avertis que sans vous incommoder, sans débourser un sol, vous êtes en état de me payer à présent. Quoi donc, qu'est-ce que c'est? Madame Alain vient de me dire que votre femme lui a confié avant-hier 4000 livres qu'elle lui garde. Tout cela est bon. Le joli tour d'esprit que vous me jouez là, moi qui vous ai parlé de cela de si bonne foi. Vous ne m'avez pas demandé de secret. J'aurai soin de remercier Madame Rémy de son économie. Et je vous paierai, monsieur Thibault, je vous paierai. Mais priez Madame Alain de vous garder mieux le secret qu'elle n'a fait à ma femme. Et qu'elle ne dispense à d'autres qu'à moi, que vous faites à croire à monsieur Constant, dont vous allez épouser la fille, que votre charge est à vous, pendant que vous vous disposez à la payer des deniers de la banque. Je dirais donc pas deux perroquets qui répètent leur leçon. Il m'en reste encore quelque chose de la mienne, mais vous n'en êtes pas quitte, monsieur Rémy. Dites aussi à madame Alain de ne pas divulguer les présents ruineux que vous faites à de jolies femmes. Courage, monsieur, n'y a-t-il personne ici pour vous aider? Je n'ai qu'à moi répondre, vous n'aurez plus de présents, madame Alain. Adieu, cherchez des témoins ailleurs. Si vous vous en allez, emportez donc les marchandises de contrebande que madame Alain vous a cachées dans l'armoire de sa salle. Encore? Je reste. Vos 1000 écus vous seront rendus, monsieur Thibault. Ignorez ma contrebande et j'ignorerai l'affaire de votre charge. J'en suis d'accord. Travaillons pour mademoiselle et qu'elle ait la bonté de nous dire ses intentions. Oh. Ma mère, monsieur Lefort envoie dire qu'on ne s'impatiente pas. À la bonne heure. Entre Javotte, la servante. Ayez la bonté de renvoyer cette fille, madame Alain. Oh, vraiment, laissez-la là, ma mère. Elle est là pour signer au contrat, les parentes de monsieur de la vallée. Et va l'être bientôt de mademoiselle. Ma parente? À moi? Oui, Jacques Giroux, votre tante à la mode de Bretagne. C'est ce qu'on a su dans la maison par le cru de mademoiselle Abert, qui, en s'en allant, a dit votre pays, votre nom, ce qui a fait que vous a reconnu tout d'un coup. Je vous salue, ma nièce. Mais qu'est-ce que c'est votre nièce? Pardi, oui, ma nièce, puisque mon neveu va être votre homme. Oh. C'est pourquoi je viens pour mettre ma marque au contrat. Ma foi, gardez votre marque, ma tante. Je ne sais qui vous êtes. Attendez que notre pays nous en récrit. Oh, vous ne savez pas qui je suis, Giroux. Oh, voyez le glorieux qui recule déjà de la voie pour sienne parce qu'il va être riche, un monsieur. Prenez garde que je n'aille dire à mademoiselle. mademoiselle ma nièce, que vous faisiez l'amour à mademoiselle Agathe. Oh. L'amour à Agathe? Vous avez-je pas recommandé de n'en rien dire? Oh, fou, voilà les lignes, m'expliquer. Je n'ai pas peur d'épouser Notre-Dame si je voulais de sa figure. Vous savez-vous, cacteuse? C'est vous qui me l'avez dit, ma mère, et j'avais été la seule à qui j'en ai ouvert la bouche. Moi, j'en ai parlé qu'à ma fille, en passant, à qui se fira-t-on? C'est en passant que vous me l'avez dit aussi, souvenez-vous-en. À l'autre! Mais sont ça les témoignages de ta reconnaissance! Mais écoutez l'histoire! Oh! L'ongle qui me poigna! Parlez de la vôtre, mon ami Giroux, et non pas de la mienne! Vous êtes bien esfoum, petite fille qui m'a tiré des reproches! Moi, ma mère, c'est Java! Pardi, monsieur Thibault, vous êtes une franche grammaire avec vos 4 minutes de chèque! Je vous achète! Oui, vous verrez que c'est moi qui ai tort! Je vous fais le compliment! Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de Théâtre et Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Michel Duchaussois, Béatrix Dussane, Alain Boulitrot, professeur de lettres au lycée Louis-le-Grand, et Dominique Dumand, François Martineau, élève de première au lycée Louis-le-Grand. Eh bien, voilà un Marivaux qui n'est pas habituel. Béatrix Dussane. Ce n'est pas un Marivaux habituel, et c'est un Marivaux qui nous a à tous fait battre le cœur quand on l'a annoncé, parce que nous sommes quelques-uns dans la maison qui avions eu le projet d'essayer une adaptation quelconque du Paysan parvenu. J'ai eu l'occasion de faire jouer des scènes du Paysan parvenu tel quel, s'en est plein. D'abord dans une série de conférences-spectacles à Genève avec Jean Piat, et à cause de cette expérience, on a redonné certaines scènes importantes du Paysan parvenu dans une soirée Marivaux à la Comédie française, et avec très grand succès. Alors, j'ai été de ceux qui auraient voulu faire une adaptation complète de tout le roman, parce qu'il y a 20 scènes aussi belles que celles de la Comère, et peut-être même plus belles. Alors, nous étions tous pleins de curiosité, mais je vous dirai après quelle est mon hypothèse sur ce texte même de la Comère qu'on a retrouvé et que Duchaussois a mis en scène si bien. Comment a-t-on découvert ce texte, Michel Duchaussois? C'est Madame Sylvie Chevalet, qui est la bibliothécaire archiviste de la Comédie française, qui, en faisant son travail et en rangeant les piles de manuscrits qui sont dans les placards de la bibliothèque, et ces placards sont très nombreux et sont très vastes, a trouvé un cahier écrit. Il était marqué la C et 3 points de suspension. Et puis alors, je vous dis l'être, tel que c'est écrit, comme inné de M. Voilà, on a déchiffré comme étant comédie en un acte inédite de Marivaux. Or, quand elle a lu les premières pages, en reconnaissant les noms de Madame Alain, de Lavallée, de Mademoiselle Habert, elle s'est immédiatement référée aux paysans parvenus, et en lisant ce texte, on a retrouvé exactement ce qui se situe à la fin du premier chapitre du paysan parvenu, avec les noms des personnages, une situation qui n'est pas exactement la même, mais enfin, voilà comment Madame Chevalet a trouvé le manuscrit. Il était dans les placards de la Comédie française. Mais est-il de la main de Marivaux? Non. Non, Duchaussois. Je laisse parler Madame Dussane, parce que personnellement, je ne connais pas. J'ai demandé à Madame Chevalet, quand j'ai lu le manuscrit, enfin j'en ai lu quelques pages, j'ai regardé, j'ai essayé de faire une comparaison avec des lettres autographes de Marivaux, et je veux bien admettre qu'il ne soit pas de la main de Marivaux. Mais je demande à Madame Dussane la permission de ne pas être entièrement d'accord avec elle sur son opinion définitive qu'elle nous donnera à la fin de l'émission. Béatrix Dussane. Si je me suis permis de dire que ce n'était pas de Marivaux, c'est que Sylvie Chevalet le dit exactement elle-même dans la préface. Elle compare les deux écritures et elle dit « ça a été dicté, ce n'est pas de la main de Marivaux ». Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas de Marivaux, n'est-ce pas? Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, dicté, de quelle manière, comment, pourquoi? On peut très bien imaginer que Marivaux lui-même a été sollicité par tel ou tel comédien ou comédienne de tirer quelque chose du paysan parvenu. Nous n'avons certainement pas été les premiers à sentir, à voir que c'était plein de personnages qui demandaient à entrer en scène. Alors, j'imagine que Marivaux lui-même a consenti à des changements d'état civil relatifs, enfin, des petits adoucissements dans les conditions sociales, des atténuations, et puis a encadré la pièce d'une affabulation assez artificielle, si je me rappelle bien, pour que ça fasse un commencement et une fin, pour encadrer ce qui est essentiel, c'est-à-dire le numéro, comme nous dirions en langage de théâtre, le numéro de Madame Alain, le numéro de la commère. C'est donc peut-être la copie d'un Happiness qui a été copiée à l'époque entre des comédiens et Marivaux. Marivaux a beaucoup écrit en pensant à ses comédiens et ça lui a admirablement réussi. J'ai même été chercher, je me suis dit, voyons, Sylvia devait commencer à mûrir un peu, Flaminia ne devait plus être là. J'ai cherché quelle était la comédienne déjà un peu mûrissante qui manquait de rôle. je n'ai pas eu le temps de... parce qu'évidemment, c'est pour une femme épanouie, n'est-ce pas ? C'est pas une amoureuse, ce n'est pas une coquette, ce n'est pas exactement dans les cadres de la comédie italienne traditionnelle. Alors, mais je n'ai pas été plus loin. Quelles ont été vos difficultés pour monter cette pièce, Michel de Sursois ? Bon, des difficultés, je me suis heurté à plusieurs des difficultés, bien sûr. Je considère que c'est la première fois que je fais une c'est mise une en chance. Scène. Je m'y étais déjà risqué, mais enfin, au conservatoire, très souvent, avec des camarades, à l'extérieur aussi, pour des tournées aussi avec des camarades. Mais officiellement, si je peux employer le terme, c'était la première fois que je faisais une mise en scène. Donc je me heurtais d'abord à des difficultés avec moi, metteur en scène. Mais à l'intérieur de la maison, et avec la troupe de la Comédie Française, je n'en ai eu aucune ou très peu, parce que nous avons la chance d'avoir justement une troupe, nous nous connaissons tous entre nous, et quand nous nous mettons à travailler, c'est d'abord et avant tout sur des bases de bonne entente. Mais vous avez quand même des difficultés avec ce que va donner Marivaux, en ce sens que c'est une chance, mais c'est une difficulté, il n'y a aucune tradition, parce que c'est la première fois que cette pièce est montée. Ah mais alors par là, je n'avais aucune difficulté, parce que la difficulté, je crois maintenant, pour un metteur en scène classique, est de monter une pièce qui a déjà été montée de 150 façons différentes. Maintenant, si on a à monter le misanthrope, on commence à se dire, bon, mais comment je vais le présenter ? Parce que ça représente aussi un travail extrêmement difficile de réaborder un classique, de réinventer, de retrouver les motifs, les prétextes et surtout de persuader des comédiens qu'une chose classique n'est pas lassante et qu'un mouvement qui a été écrit et dessiné par des comédiens qui l'ont prouvé longtemps avant nous est toujours d'une efficacité réelle devant tous les publics depuis toujours. Et donc quand on a une pièce classique absolument vierge, sur ce plan-là, au contraire, j'avais la joie de ne rencontrer aucune difficulté. Je pouvais faire entrer les gens comme je le voulais. Il n'était pas question de me souvenir ou d'être obligé de me souvenir de l'interprétation d'un comédien génial ou d'un grand metteur en scène pour respecter son idée qui, par principe, devait être meilleure que la mienne vu l'expérience des gens qui avaient avant nous monté ou joué les classiques. C'est quand même une pièce difficile à monter. Oui, c'est une pièce difficile à monter parce qu'elle a une forme, une construction dramatique, si vous voulez, qui peut laisser à désirer. En ce sens qu'il y a une scène de présentation, d'exposition entre le personnage de Mademoiselle Habert et le personnage de la Vallée, où en 10 répliques, on nous explique très clairement la situation. Puis arrive le personnage principal de la pièce qui est la commère, Madame Alain. Et là, une scène de discussion, de jeu de mots, d'esprit se déroule pour aboutir, ma foi, on finit un peu sur un pied, quoi. Moi, je veux bien croire, entre plusieurs hypothèses, que la commère, telle que nous l'avons retrouvée, telle que nous la représentons, pourrait être le premier acte d'une pièce en 3 actes. Ah oui, peut-être aussi. Parce qu'au fond, ça ne finit pas quand même. Les choses... que ça termine sur une chose fausse, oui, en fonction du roman du paysan parvenu, puisque Mademoiselle Habert, qui dans le roman épouse la Vallée, à la fin de cette pièce de la commère, sort en courant et la Vallée court après elle. Et puis ça se termine, enfin j'ai essayé de le faire se terminer dans un tohu-bohu, et puis le rideau se baisse, on ne sait plus ce qu'il advient des personnages. Oui, c'est possible aussi ça. Alain Bolitro. Moi, je crois que finalement, ce dénouement s'explique très bien, parce que si le dénouement de la pièce était conforme au dénouement de cet épisode dans le roman, c'est-à-dire si mariage il y avait, ce serait une fin pleine de fadeur, finalement. Tandis que ce mariage dans le roman, ça n'est pas la fin du roman. Les héros sont entraînés vers d'autres aventures, et il se produit des événements extrêmement douteux, extrêmement louches. Enfin, ce mariage rate, peut-on dire. Tandis qu'une fin de la pièce se terminant sur le mariage serait quelque chose de très fade, à mon avis, et correspondant mal à l'esprit même du roman et à l'encontre le réalisme de l'ensemble. Michel Duchaussois. Oui, et c'est pour vous répondre que je veux vous dire que j'ai eu, sur ce plan-là, alors, des difficultés. Difficultés d'un ordre particulier, en sens que, fidèle à Marivaux, très amoureux de son œuvre, du paysan parvenu, j'étais très souvent partagé entre le désir de dessiner la vallée et Mademoiselle Aber tels qu'ils nous sont décrits dans le roman, ou de m'en servir à l'intérieur d'une situation dramatique telle qu'on peut les mener à l'intérieur d'un acte qui, par sa situation et sa solution, ne correspond plus au roman. Béatrice Husson. Mademoiselle Aber a infiniment moins de relief dans la pièce que dans le roman. Dans le roman, c'est elle le principal personnage féminin, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et le plus curieux, le plus intéressant, le plus riche. Maintenant, le roman, il ne finit pas. Aucun roman de Marivaux ne finit. Oui, ce qui est intéressant quand même dans cette pièce, c'est qu'il y a une surprise. On part sur une idée, une histoire, une anecdote, une histoire de mariage. Des assorties difficiles, mais enfin qui se fera. Et soudain, on est devant une explication de mœurs. Ah oui. Une explication des mœurs de l'époque. N'est-ce pas ? Et c'est cela qui est curieux. Bon, on quitte très rapidement le point de départ pour assister à la vie du moment sur scène, très loin de toute idée poétique ou anecdotique. On est dans la vérité. C'est le numéro de Madame Alain. C'est cette scène qui donne envie, évidemment, de la porter à la scène. Alain Boulitreau. Justement, ce qui me frappe, c'est que le véritable dénouement, c'est cette scène de tohu-bohu dont vient de parler Michel Duchaussois. Enfin, ce marchandage effréné auquel se livrent tous les personnages, chantage contre chantage. Et finalement, le mariage lui-même, il est passé au second plan. Aura-t-il lieu, n'aura-t-il pas lieu ? Au spectateur d'en décider. Enfin, peu importe. Peu importe, en effet. N'est-ce pas ? Et alors, c'est très amusant, parce que si quelqu'un surprenait notre conversation en ce moment, cette personne ne pourrait pas s'imaginer que nous parlons d'une pièce de Marivaux. Ah, sûrement pas. N'est-ce pas ? C'est cela. Alors, bien sûr, il faut connaître l'œuvre romanesque de Marivaux pour savoir que Marivaux, ça n'est pas uniquement le Marivaux de la seconde surprise ou du jeu de l'amour et du hasard. Mais c'est extrêmement intéressant pour ces jeunes gens qui ont, dans la même représentation, pu voir le jeu de l'amour et du hasard et la comère. Alors, je voudrais leur demander quel est leur point de vue sur cette pièce inhabituelle de Marivaux. Dominique Dumas. Eh bien, ça m'a beaucoup surpris, personnellement, parce que le jeu de l'amour et du hasard est quelque chose d'un peu féerique, qui est irréel, en somme. C'est très beau, mais on n'est jamais vraiment dans le bain, jamais dans le coup. Tandis que cette comédie des mœurs, c'est tout à fait à l'opposé du Marivaux classique, enfin du Marivaux qu'on a enseigné au lycée. C'est-à-dire que c'est une description, mais vraiment très vraie, très réaliste. On disait en sortant du théâtre que le personnage de Madame Alain serait une sorte de marchand de poissons. François Martineau. Oui, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on nous parle de Marivaux, on pose tout de suite le jeu de l'amour et du hasard. C'est la finesse de la description psychologique de l'amour féminin. C'est la finesse de la description d'une âme féminine. Et quand on voit vraiment les personnages de la comère, on baisse d'un cran. On passe d'une société plutôt féerique et plutôt irréelle dans le roman bourgeois, dans le roman réaliste. Et bien sûr, ça fait un choc. Michel Duchaussois. Je suis désolé que M. Martineau et M. Dumont disent cela du jeu de l'amour et du hasard. Ce que vous considérez comme féerique, ou ce que vous considérez comme vaporeux, d'inaccessible, d'inabordable, sont, je crois, des sentiments éternels, des choses très simples, très pures, très brutales même peut-être, parce qu'il s'agit là de l'amour chez des gens très jeunes. Alors, je dois reconnaître qu'il y a une grande part de responsabilité qui revient à nous, comédiens, de vous présenter certains classiques sous une apparence justement trop vaporeuse et trop féerique. La responsabilité, elle incombe à Marivaux, c'est Marivaux. Une affaire de langage. Bien, je ne sais pas, parce que Marivaux parlait, écrivait le langage qu'il parlait. Ça, on peut le retrouver dans ses correspondances avec Lamotte, avec Fontenelle, avec Madame de Tencin. Il écrivait le langage qu'il parlait. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'hommes, enfin, tels que Voltaire, se moquaient beaucoup de Marivaux parce qu'il parlait cette langue-là. Donc, il n'écrivait que ce qu'il disait. Et ce n'est pas pour acquérir un style, comme peut-être Audiberti ou Ionesco, maintenant, on trouve un style ou une forme d'écriture, que Marivaux écrit de cette façon-là. Marivaux écrivait comme ça parce qu'il parlait de cette façon-là. Vous confirmez ma thèse. Oui. On peut vivre quotidiennement et parler quotidiennement le langage de Marivaux. Cela n'exclut pas la violence des sentiments. Ils sont simplement exprimés d'une d'une certaine façon, qui peuvent, à un moment, détourner notre attention du réalisme profond des choses. Il y a un leurre, si vous voulez. C'est là l'ambiguïté, le charme. Béatrix Dussalle. Je crois que vous parlez de deux réalismes différents. Je ne suis pas fédément de l'avis de Duchaussois, il y a une observation, et je crois ces jeunes gens aussi, il y a une observation du cœur humain dans Le jeu de l'amour et du hasard qui est très juste et très vivante. Il y a même des notations très importantes. Ce qui fait, c'est la convention de la présentation des personnages. C'est la convention de théâtre de cette époque-là qui fait qu'on les affranchit au maximum des détails quotidiens. C'est une espèce de costume dans la présentation qui fait que, si vous regardez de tout près, vous verrez qu'à un moment donné, Sylvia, étonnée et troublée et frappée par tout ce qu'il y a dans ce garçon qu'elle croit bourguignon et qui est Dorante, elle lui dit un moment, mais enfin je ne sais pas, qui es-tu toi qui me parles ainsi? Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. Ça va aussi loin que possible, c'est une réplique de Rousseau. Seulement, elle passe dans le brio, dans le prisme, dans l'éclairage féerique de la convention de comédie italienne, et il faut la détacher, après il faut y réfléchir pour voir sa résonance. Alors que dans le roman, et puis ceci est dans le ton du roman, Marivaux a pris un autre parti et il a peint les personnages, et c'était bien voulu. Je crois que c'est dans La vie de Marianne qui dit, bien avant Rousseau d'ailleurs, qu'il dit « Pourquoi ne prendrions-nous pas, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas aux gens qu'on voit tous les jours ?» Mais écrivant pour les comédiens, pour la convention du théâtre à cette époque-là, il était à peu près obligé de les déplacer, de les transfigurer un peu. Socialement, je parle. Je crois que c'est ça. Nous ne savons pas comment M. Orgon a fait sa fortune, nous ne savons pas pourquoi Lisette est en condition, nous ne savons pas d'où sort Pasquin. Pasquin est d'ailleurs, Arlequin, la convention même, la convention de la comédie italienne. Pensez donc que probablement il a été joué avec le masque d'Arlequin. C'est probable. Arlequin gardait encore son masque à ce moment-là. Il y a oui. La convention de l'Arlequin est une chose qui nous est plus perceptible. Oui, absolument. Alain Boulitreau. Je partage tout à fait l'opinion de Madame Dussan sur la brutalité et la véracité des sentiments des héros du jeu de l'amour et du hasard. Mais peut-être ce qui a mis ces jeunes gens sur la voie d'une interprétation un peu féerique de cette pièce, ce sont les décors, peut-être, qui, surtout par contraste avec la première pièce, font partir dans une autre direction. Enfin, je crois ne pas me tromper. Ah, puis quand même, le propos n'est pas le même. Pas du tout. Ne croyez pas que les comédiens italiens jouaient dans un décor vériste. Ils étaient dans un climat très spécial. Non, mais, enfin, le jeu de l'amour et du hasard, ce sont les jeux du cœur. Cela n'exclut pas le réalisme des conditions et le réalisme des sentiments aussi. Bon. Tandis que là, nous sommes vraiment devant l'exposé factuel d'une situation sociale où se mêlent des intérêts, et vraiment des intérêts très éloignés des affaires de sentiments, de cœur, très éloignés d'un climat qui, dans les autres pièces de Marivaux, malgré le réalisme, encore une fois, des conditions et des sentiments, est un climat quand même poétique, parce qu'il s'agit quand même des affaires du cœur, et que les affaires du cœur transforment les milieux, les conditions. Remarquez que dans Le jeu de l'amour et du hasard, pour traiter le problème des mésalliances par amour, car enfin il s'est c'est complètement bien ça, le problème. Le problème des mésalliances par amour, il a eu recours à un subterfuge. Dorante croit bien qu'il épouse la chambrière. Sylvia croit bien qu'elle est amoureuse de Bourguignon. Nous, on nous a dit, vous inquiétez pas du tout, ça se passe tout de même en famille. Alors que dès les fausses confidences, nous avons déjà une chose beaucoup plus vraie. Araminte va tomber amoureuse de Dorante, qui est très bien, mais qui n'est pas de sa condition. Les Jeux de l'amour, qui est un chef-d'œuvre, est complètement cristallisé dans le prisme de toute une série de conventions de l'époque, enfin, de conventions du public. Et la vérité est quand même dedans. Ça, c'est comme quand Racine met en scène des rois et des personnages de la guerre de Troie, c'est tout de même des gens de... Et puis la commère sans son origine, c'est-à-dire l'épaisseur romanesque. C'est quand même un moyen d'expression qui est différent. Et c'est resté collé au personnage et à l'intrigue. Maintenant, que pensez-vous justement des personnages? Que pensez-vous de cette Madame Alain que vous avez trouvée dans Le Paysan Parvenu et que vous retrouvez peut-être un peu grossie, un peu mieux dessinée, n'est-ce pas, sur la scène? Un peu mieux incarnée, si vous voulez. Oui, d'ailleurs, c'est une question que je voudrais poser au metteur en scène. Je voudrais savoir si vous avez insisté sur le côté naïf que vous avez donné à Madame Alain ou bien sur le côté jaloux. En sens que, est-ce qu'elle aurait voulu détruire l'amour qui règne entre Mademoiselle Habert et la vallée? Eh bien écoutez, je ne veux pas vous décevoir, mais enfin moi je n'y ai vu ni naïveté ni jalousie. Je n'y ai vu qu'une femme qui a une nature exceptionnelle, qui a un défaut. Je ne sais même pas si on peut l'appeler un défaut, parce que ça fait partie de sa nature, vraiment, de son métier. Vous voyez que c'est une femme qui tient un immeuble, qui le gère, qui élève sa fille seule puisqu'elle est veuve. Elle est en connivence... un peu brigande avec un marchand qui est son voisin, qui est Monsieur Rémy. Donc moi, je ne vois chez ce personnage ni naïveté ni jalousie, mais une nature extrêmement débordante. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à ma camarade comédienne Françoise Seignier, qui a habité le personnage après un gros travail qu'elle a fait, d'une façon telle que pour moi, maintenant, je ne peux plus dissocier les deux. Alors, quand on parle de Madame Alain, j'ai l'impression qu'on parle de Françoise Seignier, qui a énormément de talent et qui, effectivement, a donné toute sa nature, toute sa générosité. Et je ne vois plus chez Madame Alain que nature et générosité, parce qu'elle n'est pas méchante, donc elle n'est pas jalouse, puisque quand elle a envie de dire les choses, elle les dit bien en face et très en face. Et elle n'est pas naïve du tout. Elle est un peu écervelée, mais elle n'est pas naïve. Je crois qu'elle était cervelée et gaffeuse. Elle gaffeuse, c'est ça. Bavarde. Pour moi, le mot commère, d'ailleurs, représente davantage gaffeuse que commère, dans le sens de papoter, de commérage. C'est-à-dire que oui, mais le commérage entraîne les gaffes. Voilà. Dominique Dumont. Oui, mais je trouve que Madame Alain, justement, a des mots tout de même très durs quand elle parle de l'âge de Mademoiselle Habert. Oui, vous avez raison, mais ça, on le trouve dans le théâtre de Marivaux, mais on le retrouve en 1967 dans toutes les conversations que vous pouvez provoquer entre deux femmes qui ont envie de se dire des choses. Oui. La franchise et la gaffe se côtoient. Oui. C'est même plus par franchise que par gaffe. Et alors, sur un plan théâtral, exploité de cette façon-là, le spectateur, nous le recevons, nous, ou comme méchanceté, ou comme gaffe. Je crois que l'auteur a surtout voulu y mettre de l'esprit, et puis quelque chose de scéniquement... Ah oui, c'est scéniquement payant, en tous les cas. Mais par ailleurs, je crois que dans cette comédie qui nous donne soudain un flash sur les mœurs de l'époque, il y a la description d'un caractère, ou plutôt non, la description d'un tempérament. Ce genre de personnage, on le connaît d'ailleurs dans tous les milieux. Absolument. Oui, on le verrait passer à travers toutes les époques du théâtre, on en retrouverait. Tout à fait, mais enfin là, je repars sur Madame Alain, c'est une femme de tête. Vous voyez qu'au début de la pièce, sur un quiproquo de deux répliques, elle veut accepter l'amour de la vallée, mais immédiatement, la chose qui le préoccupe, c'est de penser... Bien, argent. C'est-à-dire, est-ce que vous avez de l'argent? Bon, voyons, moi j'en ai, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ma grand-mère qui en a, j'ai ma tante qui va mourir, qui va m'en laisser, et j'ai de l'argent chez moi. Donc c'est une femme de tête. Moi, je pourrais très bien la comparer non pas à une marchande de poissons, comme le disaient tout à l'heure messieurs Dumont et monsieur Martineau, mais à une femme d'affaires, de sa catégorie, de sa classe, dirons-nous, mais une femme d'affaires. Cette complication-là, elle est dans la pièce, elle n'est pas dans le roman. L'histoire de l'intrigue amorcée entre la vallée et Madame Alain, ça a été fait pour, je pense, pour introduire Madame Alain davantage dans la pièce. Oui, oui. D'ailleurs, le personnage de Madame Alain est très court dans le roman. Ah oui, c'est un épisode très brillant. Alain Boulidro. Justement, à propos de ce tempérament de Madame Alain, j'ai l'impression que dans le roman... C'est une femme qui incontestablement a un cœur d'or, c'est une babillarde de grand cœur, dit Marivaux quelque part. Tout se passe comme si, passant du roman à la scène, il avait fallu lui donner plus d'élan. Et alors, malgré tout, je reprendrai ce qu'a dit tout à l'heure Dominique Dumont, il y a je ne sais quel fiel, enfin une certaine aigreur, parce que il faut bien que la pièce avance, et parce que dramatiquement, il faut que le mariage soit menacé, tandis que le rôle romanesque de cette Madame Alain est beaucoup plus limité. Alors ça expliquerait peut-être, dans une certaine mesure, ce semblant d'incohérence dans son caractère. C'est ce qui m'a fait penser que une comédienne avait été tentée par l'épisode et puis que on s'était évertué à corser un personnage qui est épisodique et à le faire entrer dans une intrigue et par conséquent à accentuer certains de ses ressorts psychologiques. Oui, puis encore une fois, le moyen d'expression n'est pas le même. Il y a des choses que l'on peut écrire, et puis les mêmes choses dites sont beaucoup plus brutales. C'est pourquoi, quelquefois, n'est-ce pas, on ne dit pas les choses, mais on les écrit, là, en bien ou en mal. Alors, Madame Alain, dans le roman, c'est une description. À partir du moment où l'on met ses intentions dans sa bouche, en face de la personne à laquelle la chose s'adresse, ça produit un choc, et c'est ce qu'on demande au théâtre. Elle parle dans le roman, mais elle ne fait que gaffer. Elle n'a qu'une idée, c'est que ces gens s'installent chez elle, les mettre à l'aise et aller. Il y a une espèce de cynisme, une espèce de vulgarité de pensée dans sa manière d'interpréter les différences d'âge, etc. Mais encore une fois, elle est très brillante, mais elle n'est pas dans l'intrigue, n'est-ce pas? Puis encore une fois, on le lit, on ne l'entend pas. Ah, bien entendu. On ne l'entend pas et on ne le voit pas. Oh, bien entendu. C'est la puissance de choc du théâtre, bien sûr. Évident. Maintenant, La Vallée, que pensez-vous de La Vallée? Il vous est sympathique, il vous est antipathique? Comment est ce garçon, selon vous? Il me semble que c'est un garçon qui est surtout arriviste. Il est gentil, le spectateur l'apprécie sûrement, parce qu'il y a une espèce de fin de balourdise qui le fait vraiment pardonner de tout le monde. Toutes les femmes... Enfin, il vous est pas antipathique? Pas du tout. François Martineau. D'ailleurs, Marivaux a peut-être contribué à nous le rendre assez sympathique, parce que quand il a subi la banqueroute de l'eau, il essayait d'arriver à la fortune par tous les moyens, en écrivant... En éditant ses journaux qui ont plus ou moins bien marché, en écrivant des romans qui n'ont pas eu de fin, et il essayait justement, comme essaiera La Vallée sur un moindre plan, d'arriver à la fortune. Ce qui rend La Vallée sympathique, c'est qu'il incarne un rêve que Marivaux lui-même n'a pas réalisé, l'homme qui n'a qu'à paraître pour plaire à toutes les femmes. Ses caractéristiques dans le roman... À chaque chapitre, il y a une dame de plus qui tombe amoureuse de lui et qui va lui faire sa fortune. Et comme le roman ne finit pas, on ne peut pas savoir comment il a fini par faire fortune. Et il n'est pas méchant, c'est vrai. Et il n'est pas cynique même. Il est ingénu, mais il n'est pas cynique. Il aime bien Mademoiselle Haber, il lui est bien reconnaissant. Bon, il va après se laisser un peu courtiser par toutes les dames qui vont passer. Il n'a qu'à paraître pour plaire. Je pense que... transposé dans nos mœurs de maintenant, ce serait ce que nous appelons un playboy. Oui. Mais en tout cas, ça n'est pas un fou. Hein, Duchossois. Oui, Michel Duchossois. Je suis tout à fait de l'avis de Madame Dussane. Moi, je trouve qu'il existe une différence entre le La Vallée de la Commère et le La Vallée du Paysan Parvenu. Dans le Paysan Parvenu, on ne peut avoir aucun doute sur l'intelligence, sur l'esprit, sur l'honnêteté de La Vallée. Dans la Commère, là aussi, par le talent et le travail d'Alain Pralon, qui jouait le rôle, on a haussé un peu le personnage au ton de la pièce, un peu en fonction, non pas de la caricature, mais de la silhouette un peu trop dessinée, qu'est Madame Alain, et la même chose d'ailleurs pour tous les personnages. Les personnages ont été un petit peu haussés, un petit peu levés, ça j'y ai tenu. Alain Boulitron. Oui, dans le roman, La Vallée, c'est l'ambitieux, mais l'ambitieux finalement passif. Il est absolument indolent, il attend, la bonne fortune arrive... Et il s'en saisit, il est ravi. Et justement, je pense que le problème qui s'est posé à Marivaux, il s'agit de tirer une pièce de théâtre du paysan parvenu. En aucun cas, ce Jacob ne peut en être le héros. Parce que ça n'est pas quelqu'un d'actif. Il ne peut pas faire avancer une action dramatique. D'où le choix de cette commère et d'où cette modification, ce décalage, ce grossissement du personnage pour qu'elle tienne la pièce à bout de bras, à mon avis. Mais il est bien évident pour nous que, on est toujours en train de parler du paysan parvenu, que n'importe lequel d'entre nous aurait l'idée de tirer une pièce du paysan parvenu, le personnage principal féminin serait Mademoiselle Haber. On verrait les autres silhouettes, on verrait sa sœur, on verrait la présidente, on verrait Madame Alain, mais le personnage principal, ce serait Mademoiselle Haber. Pour ceux qui auraient envie de faire une thèse sur la fidélité dans l'adaptation quand il s'agit de passer du roman au cinéma ou du roman à la scène, vous offrez là une matière qui est merveilleuse, car en définitive, c'est Marivaux lui-même qui s'est posé le problème de la fidélité et de l'infidélité, n'est-ce pas ? Car il y a obligatoirement un grossissement. le crayon se fait plus précis quand on passe quand même de l'univers romanesque à l'univers scénique. Il est possible d'ailleurs que le public de l'époque n'eût pas supporté en effet Mademoiselle Habert comme principal personnage d'une pièce. Mm-hmm. Je vais dans votre sens. Eh bien, nous devons remercier Michel Duchaussois de nous avoir fait connaître ce Marivaux-là, qui est vraiment une curiosité littéraire, n'est-ce pas ? Et qui est autre chose, puisque, en définitive, c'est une pièce, je crois, qui a sa profondeur sociologique, et en même temps, qui est une merveilleuse réalisation scénique. Ça, tout le monde a été d'accord. Alors, bravo pour votre première mise en scène aux Français, Michel Duchaussois. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. C'était aujourd'hui La Commère, comédie en un acte de Marivaux, jouée par les comédiens français dans la distribution suivante. Alain Pralon, La Vallée. Jean-Paul Moulineau, Monsieur Rémy, Marchand. Jean-Paul Roussillon, Monsieur Thibault, notaire. Simon Haine, second notaire. Michel Aumont, le neveu de Mademoiselle Habert. Françoise Seignier, Madame Alain. Louise Comte, Mademoiselle Habert. Agathe Natanson, Agathe, fille de Madame Alain. Françoise Canel, Gavotte, servante de Madame Alain. Mise en scène de Michel Duchaussois. La Tribune Libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres Michel Duchaussois, Béatrix Dussane, Alain Boulitrot, professeur de lettres au lycée Louis-le-Grand, et Dominique Dumont, François Martineau, élève de première au lycée Louis-le-Grand. Réalisation, Éléonore Kramer.